Alhamdulillah, Rabbil Alameen. La louange est à Dieu Seigneur des univers. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wal ard wa mil ama baynahuma wa mil ama sha'a min ayyi shay'in ba'd. Une louange infinie, excellente et bénie de sa part qui remplit les cieux ou ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. بعدما طرد الله إبليس من الجنة لأنه رفض السجود لآدم عليه السلام. Lorsque Dieu a chassé Iblis du paradis parce qu'il a refusé de se prosterner devant notre père Adam, que les salutations soient sur lui. قال إبليس لله في آية قرآنية. Iblis a dit à Dieu le Très-Haut dans un verset coranique. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Puisque tu m'as égaré, je m'assiérai sûrement pour eux en travers de ton droit chemin. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Puis je les assaillirai sans faute de devant et de derrière, de leur droite et de leur gauche. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Et tu ne trouveras point reconnaissant la plupart d'entre eux. قَالَ خُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. Il dit, ça veut dire Dieu, sors-en blâmé et banni, et ceux d'entre eux qui t'auront suivi, je remplirai à coup sûr l'enfer de vous tous autant que vous êtes. Iblis استعمل لكل عصر وسائل جديدة لإضلال الناس. Iblis a inventé pour chaque époque de nouvelles méthodes pour égarer les gens. أخي, أختي, frère, sœur, هل ستؤثر فيك الوسائل الشيطانية؟ Vas-tu te laisser influencer par les moyens sataniques؟ هل ستكون فريسة سهلة لإبليس؟ Vas-tu être ou seras-tu une proie facile devant Iblis؟ هل ستكون عبدا من عباد الشيطان؟ Vas-tu devenir un esclave ou un serviteur devant Satan؟ أم تكون عبدا من عباد الرحمن؟ Ou seras-tu un serviteur pour le clément؟ وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم. Il dit, prière et salut sur lui. قال إبليس. إبليس dit, ça veut dire adieu. وعزتك يقسم بعزة الله. وعزتك لا أبرح أغوي عبادك. سأضل عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. Par ta majesté, par ta puissance, je ne cesserai jamais d'égarer tes serviteurs tant que leur âme habite leur corps. فقال الله وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم مستغفروني. Et Dieu lui a répondu, par ma majesté et mon honneur, je continuerai à leur pardonner tant qu'ils me le demandent. أنت تضل وهم يستغفرون وأنا أغفر. رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد, rapporté par l'imam Ahmed, l'imam al-Hakim qui l'a authentifié. سيدي أمير الأنبياء maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujumi sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahara, au nom des sables du désert, wa awlad adam wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi l'islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habibi Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Ad-din, amen. La religion est un dépôt de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Al-islam, amana ilahiya inda kulli muslim. L'islam est un dépôt divin auprès de chaque musulman. Wa alayna an nuhafidha ala islamina. Et on doit tous préserver notre islam. Wa islami awladina wa nisa'ina wa azwajina. Et préserver l'islam de nos enfants, de nos maris, de nos femmes. Alayna an nabqa muslimin. On doit rester musulmans. Fal islamu ra'su malina. L'islam est notre capital. Fa idha da'a al-islam, da'a ra'su al-mal wa da'at al-amana. Et en cas de perte ou de disparition de l'islam, il s'agit là d'une perte du capital et une perte du dépôt de Dieu auprès de nous. Parmi les moyens qui participent ou qui aident à sauvegarder, à préserver le dépôt islam, il y a la vie commune. فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ مِنَ الشَّاتِ الْقَاصِيَةِ. Parce que le loup dévore la brebis éloignée. وَمِنْ بَيْنِ هَذِهِ الْوَسَائِلِ. En plus de la vie en communauté, il y a aussi la mosquée. هُنَاكَ الْمَسْجِدِ. فَإِنَّهُ بَيْتَ اللَّهِ. Parce que la mosquée est la maison de Dieu. هُنَاكَ كَذَلِكَ الْمَدْرَسَةَ الْإِسْلَامِيَةِ. Il y a aussi l'école musulmane. Wa hunaka kadhalik al-i'lam. Et de la même manière, il y a les masses médias. As-sahafa, les masses médias, c'est-à-dire la presse, al-ida'a, la radio, wa at-talfaza, et la télévision. Wa qad sara lil-muslimina huna fi Faransa. Et il y a eu, depuis quelques années, pour les musulmans ici en France, ba'd al-majallat wa ba'd al-ida'at, quelques magazines et quelques stations radio. Akthar min mahattatayn, plus que deux stations. Man yasma' hadha al-kalam yatakhayyal anna al-muslimina fi Faransa lahum ida'a. Celui qui va écouter ces paroles va imaginer que les musulmans en France ont une radio, turafiquhum, qui les accompagne, تعيش معهم في بيوتهم وسياراتهم, qui vit avec eux dans leur foyer, dans leur voiture, تربطهم بدينهم, qui les lie à leur religion, تربطهم بأخلاقهم وبثقافتهم, qui les lie à leur morale, à leur culture, تساعدهم على المحافظة على أمانة دينهم, et qui les aide à bien conserver, à bien préserver le dépôt qui est leur religion. Et je m'interroge, est-ce que ces paroles sont vraies? Al-jawab khata. La réponse, faux. Kuntu astami'u fi sayarati ma bayna al-marra wal-ukhra. J'écoutais dans ma voiture de temps en temps la radio, bien sûr arabe en France, li-ihda al-ida'at al-arabiyya, fawajadtu bi-annaha tudhi'u al-sumum. Et j'ai trouvé qu'elle diffusait du poison. Tudhi'u al-shar, elle diffusait le mal. هذه الإذاعة ببعض البرامج تساعد على ضياع الأمانة. Cette radio, avec quelques-unes de ses émissions au programme, participe à perdre le dépôt. لأن هذه البرامج تحارب الثقافة والتقاليد الإسلامية. Parce que ces émissions combattent la culture et la tradition musulmane. bismil hadara wal asrana, et ceci au nom de la civilisation et au nom du modernisme. Wa uqaddim lakum thalatha amthila. Je vais vous donner trois exemples. Al mithal al awwal, le premier exemple. Fi barnamaj lin nisa, dans une émission pour les femmes, هذا البرنامج يشكل خطرا, et ce programme il constitue un danger, فهو موجه للنساء, il est dirigé vers les femmes. في الصباح, le matin, لما تكون المرأة وحدها في بيتها, lorsque la femme reste seule dans son foyer, مقدمة البرنامج تدعو دكتورة كل صباح في مادة من المواد. La présentatrice de ce programme invite chaque matin une dame docteur dans un domaine. والنساء لما يسمعن دكتورة تتكلم, les femmes lorsqu'elles entendent une dame docteur qui parle, بمعنى كل كلامها مقبول, ça veut dire toutes ses paroles sont acceptables. هذا البرنامج جد مفضل ومحبوب من طرف النساء. Cette émission est préférée et bien aimée de la part des femmes. والدليل, la preuve, كثير منهن يتصلن بالهاتف. La preuve, c'est pas mal parmi les femmes qui participent par le biais du téléphone à cette émission. ماذا قالت مقدمة البرنامج ذات صباح؟ Qu'est-ce que a dit la présentatrice de cette émission un matin, وكان الموضوع هو السعادة, et le sujet était le bonheur. قالت, elle a dit, عزيزتي المستمعة, chère auditrice, إذا أردت السعادة, si tu veux vraiment le bonheur, فعليك بالاستماع ثلاث مرات في اليوم, tu dois écouter à trois fois par jour, في الصباح, le matin, والظهيرة, à midi, والمساء, et au soir. قلت في نفسي, ستقول استمع للقرآن, je me suis dit, elle va dire, écoute le Coran. فقالت المقدمة, et la présentatrice a dit, فعليك بالاستماع لأغنية, ثلاث مرات في اليوم. Tu dois, chère auditrice, écouter une chanson trois fois par jour. وستجد السعادة, et tu vas trouver le bonheur. هذه هي الوصفة الطبية. Telle est la prescription médicale. هذا هو السم. Tel est le poison. هذا هو الهدم. Telle est la destruction. سم يدخل إلى البيوت. Un poison qui entre dans les foyers ويفسد النساء, pour corrompre les femmes. النبي صلى الله عليه وسلم, لما كان طفلا, le prophète prière et salut sur lui, lorsqu'elle était encore enfant, وسمع بعرس بمكة, et il a entendu une fête qui avait lieu dans la Mecque, ونوى حضوره, il eut l'intention d'y assister, وجاء الليل, lorsque la nuit tomba, ذهب محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكان العرس, le prophète prière et salut sur lui est parti ou se dirigea vers le lieu de la fête. وبدأت الموسيقى, et la musique a commencé. وأخذ صلى الله عليه وسلم مكانا أمام الباب في الخارج, le prophète prière et salut sur lui prit une place à l'extérieur devant la porte. فسلط الله عليه النوم, et Dieu lui a envoyé le sommeil. فلم يسمع شيئا, et il n'a rien entendu. واستيقظ في الصباح تحت حرارة الشمس, le matin il se réveilla sous la chaleur du soleil. وحاول مرة ثانية, il a essayé une deuxième fois. فسلط الله عليه النوم, et Dieu de la même façon il lui a envoyé le sommeil. ولم يحاول بعدها مرة ثالثة, et depuis il n'a plus jamais essayé. قال صلى الله عليه وسلم, il dit prière et salut sur lui, ثم ما هممت بعده بسوء, et par la suite je n'ai plus désirer accomplir un mal. Rawahu al-Hakim wa qala sahih ala shart muslim, rapporté par l'imam al-Hakim, qui a dit que ce hadith est authentique selon les conditions imposées par l'imam muslim. Wa rawahu at-Tabarani wa al-Bayhaqi wa ibn al-Athir. Samma al-musiqa su'an, le prophète a nommé ou a qualifié la musique comme un mal. Hakadha rabbahu Allah ta'ala, ainsi son seigneur l'a éduqué, l'a élevé, fi shababihi liyakun rasulan lil'alamin, il l'a éduqué dans sa jeunesse afin de devenir par la suite un messager universel. Man arada as-sa'ada, celui qui cherche le bonheur. Man arada al-farah, celui qui cherche la joie. Fa'alayhi bil-qurb min Allah, il doit s'approcher de Dieu. Akhi, ukhti, frère, sœur, kun qariban min Allah, sois proche de Dieu. Kun ma' Allah, sois avec Dieu. Yafidu qalbuka bis-sa'ada, ton cœur va déborder de bonheur. Isma' kalam Allah, écoute la parole de Dieu. Tuhissu bis-sa'ada, et tu vas ressentir le bonheur. Qala ta'ala, Dieu dit dans un verset coranique, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ceux qui ont cru et dont les cœurs se rassurent à l'évocation de Dieu. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub, n'est-ce point à l'évocation de Dieu que les cœurs se rassurent. Faman kana yatma'innu qalbuhu bi sama'i al-Qur'an, celui dont le cœur se rassure par l'évocation coranique. Wa yadhiqu bi sama'i al-aghani al-muharrama, fa huwa mu'minun haqqan, et celui dont le cœur ne supporte pas les chansons illicites, il s'agit là d'un vrai croyant. وَمَنْ كَانَ لَا يُعْجِبُهُ سَمَعُ الْقُرْآنِ أَوْ لَا يَسْمَعَ لِلْقُرْآنِ, par contre, celui qui ne supporte pas écouter le Coran ou qui n'écoute pas le Coran, وَيَطْمَئِنُّ قَلْبُهُ بِسَمَعِ الْأَغَانِ الْمُحَرَّمَةِ, et en même temps, son cœur se rassure, s'apaise devant les chansons interdites, فَهَذَا إِمَانُهُ ضَعِيفٌ, il s'agit là de quelqu'un qui a une foi faible. وأقول, et je dis, من أحبه الله, celui qui est aimé par Dieu, صرفه الله عن سماع الأغاني الحرام, Dieu va l'éloigner de l'écoute des chansons interdites, كما صرف حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم, exactement comme il a éloigné son bien-aimé Muhammad, prière et salut sur lui. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, اعلموا أن السعادة نوعان, sachez que le bonheur existe sous deux formes, سعادة حقيقية و سعادة كاذبة, un vrai bonheur et un faux bonheur. فالسعادة الحقيقية, le vrai bonheur, هي الفرحة التي مصدرها الإيمان, le vrai bonheur résulte de la joie qui a pour origine la foi. والسعادة الكاذبة هي الفرحة التي مصدرها المعاصي, et le faux bonheur résulte de la joie qui a pour cause ou pour origine les péchés et la désobéissance de Dieu subhanahu wa ta'ala. يقول الله لأصحاب السعادة الكاذبة يوم القيامة في الآية الكريمة, Dieu va dire aux gens qui auront joui du faux bonheur le jour de la résurrection dans un verset coranique, ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ, tout cela pour vous être réjouis sur terre de toute autre chose que du bon droit et de la vérité et de votre joie immodérée. ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها, franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. السعادة الكاذبة تكون في الدنيا فقط, le faux bonheur existe uniquement dans le bas monde, وتنتهي بالموت, et prendra fin avec la mort. اما السعادة الحقيقية فلا تنتهي بالموت, tandis que le vrai bonheur ne prend pas fin avec la mort. فهي سعادة أبدية في الدنيا والآخرة, parce qu'il s'agit d'un bonheur éternel dans ce bas monde et bien sûr dans l'au-delà. يقول الله عن المؤمنين أصحاب السعادة الحقيقية في آية كريمة, Dieu dit à propos des croyants qui ont le vrai bonheur, فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا, فرحة, Dieu les protégera donc du mal de ce jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection, là, et leur fera rencontrer une splendeur et une joie. Et je dis à la présentatrice de cette émission, فَعَلَيْهِ بِاتِّبَاعِ الدِّينِ وَالْقُرْآنِ. Celui qui veut vivre la joie, qui veut avoir le bonheur, il doit suivre la religion et le Coran. وَتَرْكُ الدِّينِ سَبَبٌ فِي الشَّقَاءِ. Et abandonner la religion est une cause du malheur. وَلَوْ سَمِعَ الْأَغَانِي فِي الصَّبَاحِ وَفِي الْمَسَاءِ. Et même dans le cas où il entend les chansons matin et soir, il restera toujours malheureux parce qu'il est loin de la religion. فَلَنْ يَذْهَبَ شَقَاءُ. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Celui qui suivra ma voie ne s'égarera pas et ne sera point malheureux. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ولو سمع الاغاني فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine d'amertume, c'est-à-dire même s'il entend les chansons. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Il dira, de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. وَأَمُرُّ إِلَى الْمِثَالِ الثَّانِي. Je passe au deuxième exemple. كَانَ الْمَوْضُوعُ هُوَ وَضْعُ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ فِي الْحَضَانَةِ. Le sujet était le fait de placer l'enfant à bas âge dans une crèche. مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا وَمَا فَوْقَ. À partir par exemple de l'âge de 6 mois et plus. وَقَالَتْ السَّيِّدَةُ الدُّكْتُورَةُ لِلنِّسَاءِ. Et la dame docteur dit aux femmes, عليكن بوضع الطفل في الحضانة. Vous devez placer l'enfant dans une crèche. ولكن هناك مشكل. Mais il y a un problème, يا دكتورة. Ô docteur. النساء اللواتي يضعن الأطفال في الحضانة هن النساء اللواتي يعملن خارج البيت. Les femmes qui placent leurs petits dans une crèche sont bien sûr les femmes qui travaillent à l'extérieur. وهذا شيء معروف. Et il s'agit d'une chose bien connue. فمن تقصدين إذن بكلامك. Que vises-tu par tes paroles. كان الجواب. La réponse était المقصود هن النساء اللواتي اخترن البقاء في البيوت. Les concernées sont les femmes qui ont choisi de rester dans les foyers. وحاولت الدكتورة أن تقنع النساء بأن الطفل الذي يوضع في الحضانة. La dame docteur a essayé de convaincre les femmes comme quoi l'enfant placé dans une crèche, ينجح في حياته المدرسية. Il connaîtra le succès dans sa vie scolaire. وهذا الكلام يخالف الواقع. Mais ces paroles s'opposent à la réalité. فكم من طفل كان في الحضانة وعرف الفشل في دراسته. Combien d'enfants étaient placés dans une crèche, mais ils ont connu par la suite l'échec scolaire. قالت امرأة. Une femme a posé la question. لماذا أضع ابني في الحضانة عند امرأة أخرى وأنا في البيت وأنا لا أعمل. Pourquoi dois-je placer mon fils dans une crèche chez une autre femme et moi je suis dans mon foyer, je travaille à l'intérieur et non pas à l'extérieur. لأني اخترت تربية أولادي. Parce que j'ai choisi d'élever, d'éduquer mes enfants. وأفتح هنا قوسا لأحيي من هذا المكان. Et j'ouvre là une parenthèse pour saluer à partir de ce lieu. المرأة التي اختارت البقاء في البيت. La femme qui a choisi de rester dans la maison. لتربية الأولاد. Afin d'élever et de bien éduquer les enfants. والمصيبة أن الناس الآن لا يعطون قيمة للمرأة التي تبقى في البيت. Et malheureusement, les gens d'aujourd'hui ne valorisent pas la femme au foyer. ولا يقدرون عملها في بيتها. Et n'apprécient pas son travail chez elle. رغم أن الطفل يحتاج كثيرا في السنوات الأولى أن يكون بجانب أمه. Et malgré que l'enfant a besoin dans ses premières années à être à côté de sa maman. مصدر الحنان والرحمة. la maman qui est la source de l'affection et de la clémence, وَهَذَا الْحَنَانُ وَالرَّحْمَةِ يُعْطِيَانِ لِلْطِفْلِ تَوَازُنًا فِي حَيَاتِهِ, cette clémence et cette affection qui assure un équilibre dans la vie de l'enfant par la suite. وانعدام الحنان الأمومي في الصغر يتسبب في كثير من الأحيان في انعدام التوازن في حياة الطفل فيما بعد في حياته. Et le manque de tendresse et de clémence maternelle à bas âge souvent provoque ou devient une cause de déséquilibre dans la vie de l'enfant par la suite. قالت الدكتورة, la dame docteur dit, في جوابها عن السؤال, elle a dit dans sa réponse, إذا كنت امرأة في البيت, si tu es une femme au foyer, فضعي ابنك في الحضانة مرة مرة, place ton petit dans une crèche de temps en temps, واعتني بنفسك, et prends soin de toi-même, واعتني بجمالك, et prends soin de ta beauté. فظننت أنها تطلب من المرأة أن تتزين لزوجها. J'ai cru qu'elle est en train de demander à la femme de prendre soin de sa beauté, de s'embellir pour son mari. وَلَكِنَّهَا قَالَتْ لَهَا, mais cette dame docteur a dit, اِعْتَنِي بِجَمَالِكِ وَخْرُجِي مِنَ الْبَيْتِ, prends soin de ta beauté et sors de la maison. اِذْهَبِي إِلَى الْمَحَلَّاتِ التِّجَارِيَةِ, fais le tour des magasins, أو أماكن أخرى, ou bien d'autres lieux, لا تبقي في البيت, ne reste pas dans la maison. وهنا أتعجب, et là je m'étonne, تضع ولدها من ستة أشهر في الحضانة, elle va placer à partir de 6 mois son fils dans une crèche, وتتزين, et se maquille, وتخرج للشارع وحدها, et sort à la rue seule. هذا ما تريد الدكتورة, c'est ce que cherche la dame docteur, إنه السم يدخل إلى البيوت, tel est le poison qui entre dans les maisons des musulmans. أقول, je dis, الترويع عن النفس شيء جميل, le divertissement, la distraction est une bonne chose, وحلال إذا كان لا يخالف الشرع, tant que est licite, n'est pas interdit, tant que la distraction ne contient pas quelque chose d'interdit. ولكن مع العائلة, mais le divertissement a toujours lieu normalement avec la famille. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه عند السفر واحدة من نسائه. Le prophète, prière et saint-Jean, prenait toujours avec lui lors d'un voyage l'une de ses femmes. وترك عائشة رضوان الله عليها تنظر من خلفه إلى ألعاب الحبشة. Et il a permis à Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, de voir les jeux des Abyssins qui avaient lieu dans la mosquée, إلى آخره, etc. وأقول للدكتور إن الله يقول, et je rappelle à la dame docteur que Dieu dit, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Les mères allaitent leurs enfants 2 années révolues pour celui qui a voulu donner un allaitement complet. وأقول لها إن الله أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. Et je lui rappelle que Dieu a ordonné aux femmes du prophète. وهن قدوة للمسلمات, les femmes du prophète qui sont un modèle pour toutes les musulmanes. قال لهن, il leur a dit, وقرن في بيوتكن, restez dans vos foyers, ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى, et n'étalez pas coquettement votre beauté à la manière de l'ancienne jahiliya. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة, accomplissez la prière et acquittez la zakat. وأطعنا الله ورسوله, et obéissez à Dieu et à son messager. إلى قوله تعالى, jusqu'au verset coranique, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Et quiconque désobéit à Dieu et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Al-Hajib, ce qui est extraordinaire, أننا نرى فرنسيات سيكون فوا دي فرونسيز دو سوش تقديرا منهم للمسؤوليه par respect de leur part à la responsabilité واحتراما للواجب et par respect du devoir ياخذنا عطله امومه. Ils prennent un congé de maternité ثلاث سنوات من غير اجره, trois années sabbatiques لِلْبَقَى بِجَانِبَ الْمَوْلُودِ الْجَدِيدِ, afin de rester à côté du nouveau-né. وَسِيَادَةَ الدَّكْتُورَةِ تُرِيدْ مِنْ نِسَائِنَا أَيَّكُنَّ أَكْثَرَ فَرَنْسَسَةً مِنَ الْفَرَنْسِيَاتِ. Et son excellence, la dame docteur, demande à nos femmes d'être plus francisées que les françaises. المثال الثالث والأخير, le troisième et dernier exemple, قال مرة مقدم البرنامج, une fois le présentateur de l'émission dit, موضوع اليوم الرسالة, le sujet d'aujourd'hui est le message. والله ظننت أنه سيتكلم عن الرسالة الإلهية, par Dieu le très haut j'ai compris qu'il allait parler du message divin, وعن الرسل, et à propos des envoyés, وخصوصا عن محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عربي, et surtout du prophète Mohammed, prière et salut sur lui. Walakin muqaddim al-barnamaj qal, mais le présentateur de l'émission a dit, natakallam an ar-rasa'il bayn al-a'ila wal-asdiqa, on va parler aujourd'hui des messages entre la famille ou entre les amis, wa khususan ar-rasa'il al-gharamiyya, et il a dit et surtout les messages d'amour, fi ida'a arabiyya, dans une radio arabe. إنه السم, tel est le poison. الإذاعة تتكلم عن الحب والغرام, la radio parle de l'amour. والبيوت تسمع هذا الكلام, et les foyers écoutent ce genre de paroles. وتدخل رجل 50 سنة تقريبا من عمره, et un homme a intervenu à peu près par le biais du téléphone, à peu près il avait les cinquantaines. أَلْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مُنْكَرٌ, allait-il dire, ô mon Seigneur, il s'agit d'une chose blâmable? لا, non. تَكَلَّمَ عَنِ الرِّسَالَ الْأُولَى الَّتِي بَعَثَهَا لِلْفَتَاةِ الَّتِي أَحَبَّهَا فِي صِغَرِهِ. À 50 ans, il a parlé du premier message qu'il a envoyé pendant sa jeunesse ou son enfance à la fille qu'il a aimée à l'époque. فَقَالَ لَهُ الْمُقَدِّمُ, et le présentateur lui a dit, قُلْ لَنَا مَاذَا قُلْتَ فِي الرِّسَالَةِ, il lui a dit, décris-nous ce que tu as écrit dans ton message. وَمَاذَا كَانَ جَوَابُهَا, et quelle a été sa réponse. وَبَدَأَ الرَّجُلُ يَحْكِي وَيَحْكِي, et le vieux a commencé à raconter, وَالنَّاسُ تَسْمَعْ, et les gens écoutaient. هَذَا كَلَامٌ يُدَاعُ فِي إِذَاعَةٍ عَرَبِيَّةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ, est-ce bien de diffuser de telles paroles dans une radio arabe pour les musulmans? هَذَا كَلَامٌ يَدْخُلُ بُيُوتَ الْمُسْلِمِينَ, est-ce bien des paroles qui entrent dans les maisons arabes? قَالَ الشَّيْطَانُ لِلَّهِ تَعَالَى وَتَبَارَكَ, Satan ou Iblis a dit à Dieu le Très-Haut, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, puisque tu m'as égaré, je m'assiérai sûrement pour eux en travers de ton droit chemin. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَمِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ وَبِكُلِّ الْوَسَائِلِ بِمَا فِيهَا الْإِذَاعَةِ. Puis je les assaillirai sans faute de devant et de derrière et de leur droite et de leur gauche, c'est-à-dire de toutes les directions et avec tous les moyens, y compris la radio ou autre. هذا الرجل في الخمسين من عمري, cet homme aux cinquantaines, ألا يستر نفسه, ne doit-il pas garder son secret, ne pas le dévoiler, ويتوب لله, ne doit-il pas se repentir à Dieu, ليغفر ذنبه, afin que Dieu pardonne son péché, بل هو يحارب الله, plutôt il a choisi de combattre Dieu, وينشر ذنوبه أمام الناس من غير خوف ولا حياء, et il a choisi d'étaler, de publier sa vie privée sans crainte ni pudeur devant tout le monde. لقد وصلنا الى هذا المستوى, nous avons bien atteint ce niveau. ايها الاخوه والاخوات, mes frères et mes sœurs, الرساله الغراميه, le message d'amour, sawa'un maktouba ala waraqah ou abra al-hatif, SMS abra al-hatif ou l'internet, le message d'amour soit écrit sur une feuille ou un SMS par le biais du téléphone portable ou autre, ou par le biais d'un mail internet, tushakkil khataran ala banatina, constitue un grand danger pour nos filles. Fahiya tasil fi sirya ila al-bint. Le message arrive en toute discrétion, toute cachette à notre fille. وَتَكُونُ مِفْتَحًا لِلشَّرِّ وَالْحَرَامِ et deviendra une clé du mal et de l'interdit. عَجَبًا لِأَمْرِ النَّاسِ فِي زَمَانِنَا. La situation des gens à notre époque nous étonne. أَحَبُّ رَسَائِلَ الْبَشَرِ. Ils ont aimé les messages humains. وَأَهْمَلُوا رِسَالَةَ خَالِقِ الْبَشَرِ. Et ils ont négligé le message divin. الآن قبل أن تتزوج الفتاة, maintenant avant que la fille se marie, لابد لها من فترة رسائل وفترة حب. Il lui est nécessaire de passer par une étape de message et d'amour. مع رجل بعلم والديها, avec un homme, bien sûr, avec ses parents sont au courant, وعائلتها. هذا الفعل كان غير موجود قبل 30 سنة. Cette pratique était inexistante 30 ans auparavant. ثم قالوا لابد للرجل من تعارف مع المرأة مدة من الزمن قبل الزواج. Et après ils ont dit que l'homme et la femme ont besoin d'une durée avant le mariage pour l'entendre. لماذا؟ Pourquoi؟ حتى إذا لم يتفاهما يمكنهما الفراق. Pourquoi? Comme ça. S'ils n'arrivent pas à s'entendre avant le mariage, ils vont se séparer sans mariage. Et cette pratique s'est propagée comme le feu qui se propage dans le bois sec. Je dis, le fait qu'une femme sorte seule avec un homme avant l'acte du mariage est interdit, illicite. والسفر معه لوحدها حرام. Voyager avec un homme seul est interdit. العلاقة الجنسية بينهما قبل الزواج زنا. La relation intime avant le mariage entre les deux est un adultère. وأبوها ديوت. Et son père, le père de cette fille, est un ديوت. والجنة محرمة على الديوت. Et le paradis est interdit au ديوت. والديوت هو الذي يرضى الزنا في أهله. Et le dayout est le père qui accepte l'adultère pour les membres de sa famille. Je rappelle aux jeunes qui veulent le mariage, Dieu dit dans un verset coranique, le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice ou une polythéiste, et la fornicatrice n'est épousée que par un fornicateur ou un associateur, et cela a été interdit aux croyants. وفي المقابل قال تعالى يوم contrepartie Dieu a dit والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات, les vertueuses aux vertueux et les vertueux aux vertueuses. وأتساءل كيف يمكن لمسلم أن يبدأ عبادة الزواج بالزنا. Et je m'interroge, comment est-il possible pour un musulman de démarrer l'adoration du mariage par l'adultère interdit. ويكون من الزنات الذين تزوجوا بالزانيات كما قالت الآية. Et il deviendra parmi les fornicateurs qui se sont mariés avec des fornicatrices, comme l'a souligné le verset. هذه المحاولة يعملها من الطلاق حرام عندهم. Cette manœuvre est utilisée par les gens chez lesquels le divorce est interdit. أما نحن فالطلاق حلال في ديننا. Tandis que nous, le divorce est licite, est permis dans notre religion. وإن كان أبغض حلال إلى الله. Et même si le divorce est la chose la plus, le licite le plus détestable à Dieu. فالمسلم يتزوج مع المرأة. Le musulman se marie avec la femme. زواجا شرعيا. Un mariage légal. وإذا كانت مشاكل لا تطاق ولا حل لها فالطلاق ممكن. Et en cas de problème insupportable et insoluble, le divorce reste toujours possible. ولنعلم أن الله هو الذي يزرع التفاهم والحب في قلبي الزوجين. Et on doit connaître que c'est Dieu qui sème l'amour et l'entente dans les deux cœurs du couple. وليست عشرة الحرام قبل الزواج. Et non pas cette fréquentation illicite qui précède le mariage. قال تعالى, Dieu dit, وجعل بينكم مودة ورحمة. Il a établi entre vous des liens d'entente et de miséricorde. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, كانت هذه بعض الأمثلة عن سموم إحدى الإذاعات العربية بفرنسا تل c'était là quelques exemples à propos de quelques poisons diffusés par une radio arabe en France. ومع الأسف et malheureusement أكثر شيء في إذاعاتنا وجود الأغاني بكثرة طيلة النهار. La chose qui revient souvent dans nos émissions de radio, c'est les chansons en abondance toute la journée. Et ceci montre une incapacité à produire des émissions de haut niveau comme les radios, les grandes radios françaises. عدم قدرة على الإنتاج أو على إنتاج برامج في المستوى كالإذاعات الفرنسية الكبرى وفي غياب المرامج البرامج نعطي للمستمع الغناء. Et comme on est incapable de produire des émissions, on va donner à l'auditeur des chansons. وإحدى الإذاعات أكثر إشهارها عن الصحراء والسحر إلى درجة أن خصصت برنامجا لساحرة أو عرافة يعني شوافة. Et une autre radio, la plupart de ses publicités est consacrée à la sorcellerie et aux voyants jusqu'au point qu'elle a donné ou elle a consacré une émission à une voyante. هذا البرنامج حرام على المسلم الاستماع إليه. Cette émission, normalement le musulman ne doit pas entendre cette émission parce que c'est une chose interdite pour lui. Parce que la sorcellerie est interdite en islam et est égale à l'association. La radio est un bienfait de Dieu, mais les Arabes l'ont mal utilisé. فاحذروا ما تسمعون. Méfiez-vous de ce que vous écoutez. وفي الأخير نسأل الله الهداية لأصحاب هذه الإذاعات والعاملين فيها. Et à la fin, on demande à Dieu de bien orienter les propriétaires de ces radios et les employés dans ces radios. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.